Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Alors, on en est où ? Lisbeth Salander est une meuf totalement barge. Le tribunal l'a mise sous tutelle et devinez qui est son tuteur ? Y a quelqu'un ? Bonjour. Sur le répondeur téléphonique de Maître Disney en allemand. Maître Bioman ! Merde ! Faut la trouver. Faites gaffe, elle est dangereuse et peut-être armée. Où sont les derniers rapports ? J'avais dit chaque mois. Tu dois les envoyer chaque mois. On vient de retrouver Bioman dans son appartement. Tué par balle. Que savez-vous sur Lisbeth Salander ? Pardon ? Lisbeth ne ressemble à personne. Elle ne fait que ce qu'elle a envie de faire et se fout totalement de ce qu'on peut penser d'elle. Elle est maintenant officiellement recherchée pour 3 meurtres. 6e épisode. Putain, c'est n'importe quoi, déplacer un régiment d'infanterie pour une gamine d'1m50. Et les gars, vous attendez quoi, la permission d'entrée ? Forcez-moi cette serrure, qu'on en finisse. Il a raison. Faites sauter la serrure. Personne, vous pouvez entrer. Ça sent la peinture fraîche. C'est super clean. C'est bien décoré. Elle a du goût, la Salander. Rien de ce que j'ai trouvé. Des menottes. God, des robes en plastique. Tu vois ? Ah non, ça c'est du latex. Elle a pas l'air de s'ennuyer. C'est pas sa taille, ça. C'est trop grand pour une fille d'1m50. Ah, il y a une pile de lettres sur la commode. Intéressant. Je regarde. Des factures pas ouvertes. Du courrier au nom de Myriam Hu. Un magazine de boxe taille. Ah, une lettre personnelle adressée à Lisbeth Salander. Ouvre-la. Elle est signée Michael Blanquist. Ça prouve au moins qu'il n'a pas raconté de salade. Hé, venez voir dans la salle de bain. Une boîte dentalgique, un flacon de citadon avec une étiquette au nom de Myriam Wu et une seule brosse à dents. Le nom de Myriam Wu partout. Une seule brosse à dents. Des vêtements trop grands. Eh merde, Lisbeth Salander n'habite plus ici. Si j'ai bien compris, l'opération chez Salander n'a rien donné. Non, l'appartement semble habité par une certaine Myriam Wu. On sait quoi sur elle ? Pas grand-chose. Elle n'a pas de casier. Fasté va essayer de la trouver demain matin. Faut voir sa garde-robe. C'est pas le genre de truc qu'on offre pour la fête des mères. Que des déguisements de pute. Sans parler des godes et des menottes. Vous pensez que Myriam Wu est une prostituée ? Rien ne le prouve. Je te rappelle que le rapport des services sociaux indique que Lisbeth Salander s'est probablement prostituée. Le rapport des services sociaux n'est fondé ni sur des interpellations, ni sur des enquêtes. Salander s'est fait contrôler à 17 ans dans un parc, en compagnie d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle. La même année, elle a été cueillie pour ivresse, toujours avec un homme plus âgé, c'est tout. Vous avez raison, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais n'oubliez pas que la thèse de Mia Bergman portait sur la prostitution. Peut-être qu'elle est entrée en contact avec Salander et cette Myriam Wu dans le cadre de son travail. Peut-être que ce travail gênait Salander pour une raison ou pour une autre. Ça pourrait être un mobile. Il faut absolument la trouver. Et comment on fait? Pour le moment, j'en sais rien. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de révéler son nom ce soir. On n'a pas encore expertisé de l'ordre de Burman. Rien ne dit que Salander soit formellement coupable. Inutile d'insister, la décision est prise. Il y a trop d'éléments concordants. Imaginez qu'elle fasse une nouvelle victime dans les prochaines 24 heures. Salander est dangereuse, il faut l'arrêter au plus vite. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence de presse va pouvoir démarrer. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Merci. Je suis le procureur Richard Ekström et voici Yann Boublanski de la brigade criminelle départementale qui dirige l'enquête. Je vais vous résumer la situation et ensuite vous pourrez poser vos questions. Comme vous le savez, deux personnes ont été froidement assassinées à Enschede peu avant minuit hier soir. L'arme du crime a été retrouvée et nous avons pu identifier son propriétaire. Cet homme a été retrouvé mort vers 17h aujourd'hui à son domicile près d'Odelplan. Il a été tué par balle et il était sûrement déjà mort à l'heure du double meurtre d'Enschede. La police pense qu'il s'agit d'un seul et même tueur, individu par conséquent recherché maintenant pour 3 meurtres. Avez-vous un suspect? Pardon? Avez-vous un suspect? Oui, une personne a été identifiée et nous allons l'interroger. Qui est? C'est une femme de 26 ans qui avait un lien avec le propriétaire de l'arme. Nous avons la preuve qu'elle se trouvait sur les lieux du crime à Enschede. S'il vous plaît. Attention. L'inspecteur Boublanski va prendre la parole. Inspecteur. Merci. La police recherche une femme du nom de Lisbeth Salander. Nous vous donnerons sa photo après la réunion. Nous ne savons pas où elle se trouve, mais nous pensons qu'elle est toujours dans la région de Stockholm. Nous sollicitons l'aide des citoyens pour la retrouver. Lisbeth Salander est de petite corpulence, 1m50 pour 45 kg environ. Elle a été soignée dans une clinique psychiatrique et nous pensons qu'elle peut être dangereuse pour elle-même et pour les autres. Pour le moment, nous ne pouvons pas établir de façon catégorique que c'est elle la meurtrière. Mais nous voulons l'entendre au plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit elle est suspectée des meurtres, soit elle ne l'est pas. Nous ne voulons négliger aucune piste, même si beaucoup d'éléments jouent contre elle. Lesquels? Nous ne pouvons pas les divulguer pour le moment. S'il vous plaît. Pourquoi elle était soignée à l'hôpital psychiatrique? Pardon? Pourquoi elle était soignée à l'hôpital psychiatrique? C'est une femme qui a eu une enfance difficile. Elle a été mise sous tutelle et il se trouve que le propriétaire de l'arme était son tuteur. Qui est-ce? Nous ne voulons pas le nommer tant que sa famille n'a pas été informée. Quels seraient les mobiles des meurtres? Il est trop tôt pour en parler. Est-ce que Lisbeth Salander a un casier? Oui. Est-ce qu'elle peut tuer à nouveau? D'après ce que nous savons de son passé, elle peut se montrer violente. Si nous rendons public cet avis de recherche, c'est justement parce que nous tenons à entrer très vite en contact avec elle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce casier? Merci, la conférence de presse est terminée. Merci. Chérie, c'est moi. Ne m'attends pas pour dîner, je suis toujours dans l'appartement de l'avocat assassiné. J'attends Boublanski, il doit venir après la conférence de presse. Oui, je te rappellerai quand j'aurai terminé. Attends. La conférence est déjà finie? Ça a été? Oui, rien de spécial. Je peux toucher aux objets? Oui, les techniciens ont terminé avec cette pièce. Ils sont dans la chambre à coucher et dans la cuisine. Le corps est toujours là. Et à Lundagatan, vous avez trouvé des choses intéressantes? Appartement vide. Il y a bien du courrier pour Salander, mais personne ne l'a ouvert. Visiblement, il n'y habite plus. L'appartement est occupé par une certaine Myriam Wu, qu'on n'a pas encore retrouvée. Bref, ça se complique. Tu crois qu'elle aurait planifié tout ça? J'en sais rien. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Le carton vide d'un 45 Magnum. Il est parti aux empreintes. Sinon, un classeur avec des copies des rapports sur Salander qu'il envoyait tous les mois à la commission des tutelles. D'après Björnman, Salander était devenu une vraie petite fille modèle. Ah non, pas lui aussi. Comment ça, pas lui aussi? C'est le troisième de la journée. J'ai interrogé Hermansky, son ancien employeur, et Michael Blankvist. Ils en parlent tous les deux comme d'une fille atypique, mais géniale, honnête, entière. C'est complètement dingue. On est vraiment sûr qu'elle est coupable? Le procureur en est convaincu. Il a lancé un avis de recherche nationale. Il a peur qu'elle essaye de quitter le pays. Et toi? Je n'arrive pas à me faire une idée de cette fille. D'un côté, ses rapports qu'il a décrits comme une psychopathe à moitié demeurée. De l'autre, ces gens qui en parlent comme d'une fille attachante et supérieurement intelligente. C'est tellement contradictoire. Il n'y a pas que ça. On n'a aucun mobile pour Björnman. Ni la preuve qu'elle connaissait le couple. Une malade mentale n'a pas besoin de mobile. Elle peut être très intelligente et totalement barge. Oui. C'est comment, dans la chambre? Björnman est à plat ventre sur le lit, les genoux par terre, comme s'il faisait sa prière du soir. Sauf qu'il est nu, avec une balle dans la tête. Une seule? Comme Anne Skede. Ouais. Elle est entrée à l'arrière de la tête pour ressortir par la tempe. Encore une exécution. Exactement. Et personne n'a entendu le coup de feu? Non. Les voisins du dessus et du dessous sont partis pour le week-end de Pâques. La fenêtre était fermée. Et le meurtrier s'est servi d'un oreiller pour assourdir le coup. Évidemment. Salut, Boublanski. Modig, on a déplacé le corps pour l'emmener. Vous devriez venir voir. Ok. Regardez son ventre. Je suis un porc sadique, un salaud et un violeur. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage? Peut-être le début d'un mobile. Tu as vu la taille de la photo? Pleine page. Ouais, j'ai vu les titres. Traqué pour triple meurtre. La police recherche une tueuse en série psychopathe. Ils se sont déchaînés. C'était prévisible. Pauvre Lisbeth. Tu ne la crois pas coupable? Non. Même si je suis sûr qu'elle a des choses à cacher. Annika, tu serais d'accord pour être son avocate si elle est arrêtée? J'ai défendu des femmes victimes de violences, mais je ne suis pas spécialiste en affaires criminelles. Oui, mais tu es intelligente. Elisabeth a besoin de quelqu'un de confiance. Il faudrait que je la voie avant de prendre une décision. Bon, je dois te laisser. On en rediscutera, je t'embrasse. Ok, au revoir. Bonjour. Michael Blomqvist, je suis l'inspecteur Sonia Modig. Ah oui, je vous en prie, entrez. Nous avons trouvé la lettre que vous avez envoyée à Lisbeth Salander. Vous écrivez que vous avez son sac, je voudrais le récupérer. Oui, oui, je crois qu'il est par là. Tenez. Merci. Vous parlez aussi d'une dette que vous avez envers elle. Je peux en savoir plus? Elle m'a rendu un très grand service, je vous en dirai pas plus. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une enquête pour meurtre. Oui, je sais. Et j'espère de tout cœur que vous arrêterez le salaud qui a tué Dag et Mia. Ce n'est pas Salander? Non. Qui alors? Dag Svensson allait dénoncer des types qui avaient beaucoup à perdre. C'est là qu'il faut chercher. Pourquoi un de ces types aurait tué Björnman? Je ne sais pas encore. Si Salander réapparaît, j'espère que vous nous préviendrez. J'essaierai de la convaincre de se rendre à la police. Et je ferai tout pour l'aider. Vous êtes conscient qu'il est interdit d'aider une personne recherchée? Et vous, vous êtes consciente qu'il peut y avoir d'autres suspects? J'ai une dernière question. Où se trouve l'ordinateur qu'utilisait Dag Svensson pour travailler? C'était un portable qu'il trimbalait partout dans un sac noir. On a retrouvé le sac à dos noir, mais il est vide. L'ordinateur peut-il être à Millennium? Non, il n'y est pas, j'ai vérifié. Si je comprends bien, l'ordinateur de Dag Svensson a disparu. Erika, j'ai une idée. Je sais comment dire à Lisbeth que je cherche à entrer en contact avec elle. Explique. Elle se tient au courant. Elle lit les journaux. Et je sais qu'elle s'intéresse à tous mes propos. Il suffit de lui faire passer un message par médias interposés. Le journaliste d'Aflone Badette me harcèle pour que je lui donne des infos. Je vais lui filer un texte, à publier tel quel sans changer le moindre mot et signé par toi. Et qu'est-ce que tu comptes me faire dire ? Je te le lis. Erika Berger, la directrice de Millennium, est profondément touchée par le meurtre du journaliste freelance Dax Svensson, qui était aussi son collaborateur. Elle espère que le coupable sera rapidement arrêté. C'est Michael Blomqvist, le responsable de la publication, qui a découvert son collègue et sa compagne Mia Bergman. Là, je me cite. Dax Svensson était un journaliste exceptionnel. Il travaillait en ce moment sur plusieurs articles, dont un grand reportage traitant de l'intrusion informatique illégale. Intrusion informatique ? Non, je comprends pas. Erika, qui tu connais qui est spécialiste en la matière ? Mademoiselle Salander. Je pense que ça va lui mettre la puce à l'oreille et qu'elle ira faire un tour sur mon ordinateur. Et je vais lui laisser un message. Excuse-moi. Vas-y, fonce. À plus tard. Allô ? Erika Berger ? Oui. Ici Magnus Boxfey, directeur du Svenska Morgenposten. Que me vaut ce plaisir ? Vous savez, je suis quelqu'un de direct. Alors voilà. Je voudrais vous recruter comme rédactrice en chef. Vous connaissez la notoriété du journal. Le poste est à pourvoir en juillet. Désolée, je m'occupe déjà de Millennium. Je vous propose 10 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Monsieur Borgsway, je ne partage pas la vision politique de votre journal. Et alors ? Vous serez la rédactrice en chef, pas une inspectrice politique. Et pourquoi moi ? Parce que vous êtes compétente. Que vous avez sauvé Millennium du désastre avec beaucoup de talent et que nous voulons donner un coup de jeune au journal. Pourquoi j'accepterais ? Vous avez 45 ans. Vous avez passé votre vie à vous battre pour un salaire de misère. Ça ne vous tente pas ? Un peu plus de confort et de sérénité ? Non. Réfléchissez. Et rappelez-moi. Mais n'attendez pas trop. À bientôt. Chère Lisbeth, j'écris cette lettre que je vais laisser dans mon disque dur. Je te soupçonne de pirater mon ordinateur et je me doute que tu la liras tôt ou tard. Tu ne veux plus me voir, mais les événements de ces derniers jours nous impliquent tous les deux. La police affirme que tu as tué de sang-froid 2 personnes que j'aimais beaucoup. Je ne peux pas y croire, sauf si je me suis complètement trompé sur ton compte. Je te conseille de te livrer à la police. Mais je me doute que tu n'en feras rien. Sache que ta situation est intenable et que tu seras arrêté tôt ou tard. Tu auras alors besoin d'aide. Ma sœur est avocate. Elle est prête à te représenter si tu la contactes. Tu peux lui faire confiance. À Millennium, nous avons lancé notre propre enquête sur les meurtres de Dag et de Mia. J'ai un problème avec Bjurman. Qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire ? Quel est son lien avec Dag et Mia ? Aide-moi, please. Michael. Maintenant, à toi de jouer, Lisbeth. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 6e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, André Marcon, Yann Boublanski, Philippe Béraudeau, Hans Fasté, Philippe Bautier, Kurt Bolinder, Alain Fromager, Richard Ekström, Johanna Nizar, Sonia Modig, Emeline Bayard, Annika Giannini, Marie Payen, Erika Berger, Vincent Grasse, Magnus Borgfeu. Et les voix de David Sigicelli, Xavier Xapla, Romain Lemire, Guillaume Clayson,